tentation. Et qu'est-ce que la tentation a produit? Le péché. Et ce joueur, un grand joueur, d'ailleurs un bon buteur, c'est tout le monde maintenant. On a diffusé son image à travers le monde. Voilà, il avait volé dans un magasin. N'est-ce pas? Donc, voilà maintenant le péché, qu'est-ce qu'il engendre? L'humiliation pour ce joueur-là, le grand joueur. Je me demande, le tout premier jour, quand il est monté au stade pour jouer, je suis en train de m'interroger, qu'est-ce qu'il sentait dans son cœur? Parce que tout le stade qui savait que celui-là avait volé. Mais regardez, il en est de même pour nous. Vous pouvez céder à la tentation. Vous pouvez faire des choses que nous ne voyons pas. Mais quand nous lisons la parole de Dieu, il est écrit que les yeux de Dieu sont sur ses justes. Donc, les yeux de Dieu voient partout. Même en secret, Dieu peut voir. Mais Dieu ne va pas vous châtier sur place. Mais ce que vous devez savoir, c'est que le péché produit la mort, la séparation avec Dieu. Et à la longue, n'est-ce pas, cette séparation peut être une séparation éternelle. Si vous ne vous repentez pas, si vous ne changez pas de vie, elle peut être une séparation pour l'éternité. Vous pourrez passer votre éternité loin de Dieu. C'est donc ce que produit le péché. Je peux multiplier des exemples à l'infini. En tant qu'homme et femme, on peut être aussi tenté dans le domaine de nos sentiments, dans nos domaines émotionnels. Là encore, vous avez la possibilité de dire non pour glorifier Dieu. Parce que si vous dites oui, vous déshonorez Dieu. Et par conséquent, vous allez vivre, n'est-ce pas, en séparation avec Dieu. Mais ce que Dieu veut est que chacun de nous soit obéissant et ne cède pas à la tentation pour que nous puissions vivre et que nous puissions lui rendre gloire. Mais mes frères et mes sœurs, regardez, le verset 17, si je l'ai lu, il dit ceci: toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alors si vous regardez mes frères et mes sœurs, je vous encourage vivement de tenir ferme quand viennent les tentations. Parce qu'au-delà de la tentation, Dieu se glorifie et Dieu vous glorifie. Dieu vous élève. Dieu vous donne ce qu'il faut. Ce n'est pas l'ennemi qui vient vous dire, comme il avait dit au Seigneur, j'ai reçu le pouvoir, je donne ce royaume à qui je veux. Non, c'était menteur. Mais on nous montre que de bonnes choses, d'après le verset 17, viennent de Dieu. Et Dieu est prêt à vous donner de bonnes choses, des choses excellentes. Premièrement, qu'est-ce que Dieu a fait? Il nous a donné la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc nous ne devons pas prendre cette vie en vain. C'est un don. Nous ne l'avons pas mérité. Mais Jésus a donné de sa vie. Et Jésus, nous pouvons donc en Jésus-Christ, n'est-ce pas, espérer contre toute espérance que Dieu fera tout ce qu'il promet en Jésus-Christ. Parce qu'en effet, si vous lisez encore plus loin, comme nous avons dit, nous voyons que les oreilles de Dieu, pas seulement les yeux de Dieu, mais les oreilles de Dieu sont attentives aux prières des hommes et des femmes qui le craignent. Et le Seigneur voudrait, par cette exhortation, nous inviter à marcher, à garder notre foi sainte, ferme, à garder notre foi en Dieu, sans nous détourner de quoi que ce soit. Et ce que le Seigneur voudrait encore, c'est que nous puissions aussi triompher des tentations. Parce que notre Seigneur lui-même a triomphé, il nous donne aussi la possibilité de triompher des tentations. Parce qu'il dit dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13, il dit, aucune tentation qui vous est survenue n'est au-delà de vos forces. Si la tentation est au-delà de vos forces, Dieu lui-même prépare un moyen pour vous en sortir. Voilà que Dieu lui-même, il prépare aussi des moyens. Il nous donne des possibilités. Si il nous dit de ne pas pécher, il nous donne aussi des possibilités. Il nous donne des moyens pour que nous puissions surmonter le péché. Donc Dieu ne nous a pas abandonnés. Et Jésus a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous envoie un autre consolateur, le Saint-Esprit. Donc Dieu a mis aussi à nous le Saint-Esprit pour que nous puissions discerner que nous sommes en présence du péché, nous sommes en présence d'une tentation et que nous pouvons surmonter la tentation. La dernière chose, le tentateur ne vient pas avec des ailes. Il ne vient pas de n'importe quelle manière. Le tentateur peut venir sous forme d'un homme ou d'une femme. Mais ça peut venir aussi, n'est-ce pas, de nos pensées, de nos émotions. Nous pouvons être aussi tentés dans tous ces domaines-là. Donc le Seigneur, ce qu'il veut, est que nous puissions surmonter les tentations. Il nous donne des possibilités. Amen. Prions. Seigneur, merci pour l'occasion que tu nous donnes de pouvoir partager ta parole, mais aussi la possibilité de pouvoir montrer que tu es le Dieu qui vient à notre secours. Lorsque nous sommes tentés, toi-même, tu viens nous secourir pour nous en sortir des tentations. Merci de nous encourager et merci de permettre à chacun de nous de vivre pour la gloire de ton nom, en t'obéissant. Au nom de Jésus. Amen. Que ce soit l'occasion ce matin pour nous de confesser devant Dieu. Seigneur, quelquefois, j'entends ta voix et je ne le fais pas. Seigneur, je te demande par ton Saint-Esprit ce matin que tu touches les cœurs et peut-être que tu montres précisément à l'un ou à l'autre. Là, je t'ai demandé ça et tu ne l'as pas fait. Peut-être Dieu te demande de te séparer d'une mauvaise habitude ou d'une dépendance. Ou positivement, Dieu te demande de t'engager dans l'Église, dans la mission. Dans le témoignage, peut-être que tu ne veux pas partager ta foi autour de toi, c'est trop difficile, mais Dieu dit va. Par le Saint-Esprit, Dieu te parle, j'en suis convaincu. Alors si tu veux une vie qui tient, écoute sa voix et mets-la en pratique. Nous confessons, Seigneur, que tout ce que nous construisons en dehors de cette fondation, tout ce que nous faisons sans mettre en pratique ta parole, mais avec notre propre sagesse, ne tient pas. Et nous te demandons pardon, je te demande pardon, pour tous ces choix ratés. Rends-nous humbles, Seigneur. Rends-nous attentifs à ta voix. Et rends-nous assez humbles pour la mettre en pratique dans nos vies. Seigneur, fais de nos vies, chacune de celles de mes amis, de mes frères et de mes sœurs ici, des maisons solides. Pas parce que eux sont si bien, mais parce que la fondation sera tellement forte, parce que chaque mur porteur ira s'enraciner, s'appuyer au profond de ses fondations. Et la tempête viendra, certainement. Les vents vont souffler, la pluie va tomber, la tempête va déferler. Bien sûr. Mais nos vies tiendront, parce qu'elles seront appuyées sur ce que tu dis et leur mise en pratique. Merci Seigneur pour ta parole, la Bible, parce qu'elle n'est pas que des mots sur du papier. Elle est parole de Dieu. Merci Seigneur pour ton esprit, le Saint-Esprit, qui rend cette parole vivante, actuelle pour nos vies aujourd'hui. Seigneur, que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux qui s'en retournent avides, mais que nous soyons de bons bâtisseurs qui gardent leur parole dans leur cœur pour la mettre en pratique. En Jésus. Amen. Amen.